لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأوذي نبينا صلى الله عليه وسلم ضرب وقتل أصحابه وقتل من أصحابه الكرام رضي الله عنهم، فصبر وثبت حتى هاجر مع أبي بكر الصديق إلى المدينة. ولقد أوذي الصحابة فصبروا وثبتوا، فضربت سمية رضي الله عنها حتى قتلت رضي الله عنها على دين الإسلام، وهكذا زوجها. وضرب ابن مسعود رضي الله عنه لأنه قال لا إله إلا الله، وعذب بلال ابن ربح ابن رباح رضي الله عنه لأنه قال لا إله إلا الله وأبى بعد الفتنة أن يخرج من دين الإسلام دين الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل: يا معاذ لا تشرك بالله وإن قطعت وحرقت. رواه أحمد. وفي قصة خبيب رضي الله عنه دروس وعبر: بعد أن أسر غدرا وبيع إلى أهل مكة، قالوا له أخرج من دين محمد نخلي لك سبيلا. قال: لو جمعتم لي الأرض جميعا ما خرجت عن دينه. فثبت رضي الله عنه. فقالوا: إذا نقتلك. فقال لهم: دعوني أصلي ركعتين. فصلى لله ركعتين رضي الله عنه ثم انصرف إليهم فقال لهم: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت. فقالوا له: أتحب أن محمدا مكانك وأنت لا تقتل كما قالوا له؟ قال: ما أحب ذلك وأنا وهو. قال: لا أحب ذلك. الشاهد أنه قتل في سبيل الله، وفضل القتل على الخروج من الإسلام، فقتل ظلما رضي الله عنه. ثم اعلم رحمني الله وإياكم أن الله عز وجل قد ذم من لم يثبت على دين الإسلام، فقال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام وعلى السنة. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى nous dit dans le Coran selon l'essence de ces versets: Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent que nous allons les laisser dire nous croyons, nous avons la foi, sans les éprouver? Nous avons certes éprouvé ceux qui étaient avant eux, ainsi Allah sait ceux qui parmi eux sont les véridiques et ceux qui parmi eux sont les menteurs. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'on sera éprouvé par un peu de peur, de faim, de diminution dans nos biens, et par des décès et de la diminution de la culture. Puis il nous dit: wa bashiris sabirin, et annonce la bonne nouvelle aux endurants, ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par un malheur, disent: c'est à Allah que nous appartenons et vers lui que se fera notre retour. C'est ainsi qu'il convient d'être en temps de trouble, d'être endurant et ferme dans sa religion. Et parmi les choses dans lesquelles nous devons être le plus endurant, c'est le fait de s'accrocher à la vérité de se cramponner à l'islam, la religion qu'Allah Azza wa Jal a agréée pour l'ensemble. Et personne ne pourra concrétiser cela si ce n'est en recevant l'assistance d'Allah Azza wa Jal et en lui demandant le raffermissement sur sa religion. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: le serviteur ne peut se passer de l'affermissement d'Allah, et cela ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Il nous montre ici l'importance de nous diriger vers Allah Azza wa Jal, de l'invoquer afin qu'il nous maintienne sur cette vérité. Le plus grand bienfait par lequel Allah comble le serviteur, c'est l'islam et la foi. Et les envieux sont indénombrables. Ainsi, nous sommes éprouvés particulièrement en ces temps-ci. Nous sommes éprouvés dans notre foi, dans notre religion. Et le comportement à adopter face à cette épreuve, c'est de s'accrocher à la religion d'Allah Azza wa Jal, de l'invoquer afin qu'il nous préserve et nous raffermisse. Il nous faut invoquer Allah Azza wa Jal, car c'est de lui que vient le raffermissement. Il nous dit dans son livre, selon la traduction des sens de ce verset: Allah affermit ceux qui ont la foi par la parole ferme dans ce bas monde et l'au-delà, c'est-à-dire la ilaha illallah. Aussi, il nous faut lire et psalmodier le Coran en cherchant à le comprendre, car c'est une grande cause d'affermissement. Allah Azza wa Jal nous montre dans le Coran qu'il fait descendre Jibril avec le Coran, avec des versets du Coran, et cela pour raffermir ceux qui ont la foi. Cela pour raffermir ceux qui ont la foi. La lecture du Coran et sa méditation est donc une des plus grandes causes pour rester fermement accroché à la vérité. Aussi, il nous faut invoquer Allah, car tout le bien est auprès de lui et personne ne saurait l'emprunter, le chemin du bien, si ce n'est pas la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et très souvent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah et lui et disait: ô toi celui qui tourne les cœurs, affermis mon cœur sur ton obéissance. Et nous avons de parfaits exemples en la personne des messagers, ou bien nous avons un parfait exemple en la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a subi de nombreuses nuisances, il a vu ses compagnons subir, mais quel fut leur comportement devant l'épreuve? La fermeté, l'endurance et l'acceptation du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soumaïa radiallahu anha s'est fait torturer jusqu'à elle disait la ilaha illallah. Yasser, son époux également, jusqu'à ce qu'ils soient tous deux décédés seulement pour être musulmans, pour avoir embrassé l'islam. Bilal était emmené en dehors de Mecca et on lui mettait des pierres brûlantes sur le corps et on lui disait: sors de l'islam et on te libérera. Et il refusait cela et il proclamait la parole du tawhid, satisfait du décret d'Allah sur lui, endurant en espérant la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam dit à Mu'ad: ô Mu'ad, n'associe jamais rien à Allah, n'adore jamais en dehors d'Allah quoi que ce soit, même si tu devrais pour cela assassiner et brûler, même si tu devrais couper et brûler. Et il y a de nombreuses leçons dans l'histoire de Khubayb. Khubayb a été fait prisonnier. Il a été fait prisonnier puis vendu aux gens de la Mecque. Les gens de la Mecque lui ont dit: sors de l'islam et on te libérera. Il a refusé en leur disant, même en réunissant tout ce qu'il y a sur ce bas monde, pour me l'accorder, je ne sortirai pas de l'islam. Ils lui ont donc dit: alors nous allons t'assassiner. Il leur a dit: faites ce que bon vous semble, mais laissez-moi prier 2 unités de prière avant. Il a donc effectué 2 unités de prière pour Allah. Puis il leur a dit: si je n'avais pas peur que vous pensiez que j'allonge la prière par peur de la mort, je l'aurais fait. Ils ont donc dit: est-ce que tu aimerais que Mohammed soit à ta place et qu'on te libère, ou bien que tu sois auprès des tiens? Il leur a dit: je n'aimerais pas cela alors qu'il est chez lui. Je n'aimerais pas qu'il soit touché par un moustique ou par la moindre nuisance alors que je suis tranquillement chez moi. C'est ainsi qu'étaient les compagnons. C'est ainsi qu'étaient les compagnons. Ils ne sortaient pour rien au monde de la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah blâme ceux qui se montrent faibles en temps d'épreuve et ne s'accrochent pas à leur religion. Il leur dit, il nous dit, subhanahu wa ta'ala, que parmi les gens, certains adorent Allah azza wa jal avec un bout seulement de la religion. Avec un bout seulement de la religion. Lorsqu'ils sont touchés par le bien, alors ils sont apaisés. Ils restent dans le dit. Mais lorsqu'ils sont éprouvés, alors ils font volte-face. Ils perdent ainsi ce bas monde. Et l'au-delà, voici l'énorme perte. Il te faut donc être, ya Abdallah, ferme, accroché à ta religion et craindre dans cela le reproche de personne. Et craindre dans cela le reproche de personne. Et il y a un bel exemple à mentionnant la personne de Abdullah ibn Hudhafa, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été fait prisonnier et on l'a conduit chez les Romains. On l'a conduit chez les Romains. Et lorsqu'il arriva auprès de leur roi, le roi a dit, lorsqu'il a vu la prestance de Abdullah ibn Hudhafa, il a voulu en faire un associé à lui. Il lui a dit, embrasse notre religion et je t'associerai à ma royauté et je te marierai à ma fille. Abdullah ibn Hudhafa, radiallahu anhu, il lui a répondu, لو أعطيتني جميع ما تملك أنت وما يملك العرب ما خرجت من دين محمد طرفة عين. Il lui a répondu avec la plus grande fermeté, si tu m'accordais l'ensemble de ta royauté, ainsi que l'ensemble de la royauté de ce que possèdent les Arabes, je ne sortirai pas de la religion de Mohammed, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Voici la fermeté des compagnons, radiallahu anhu. Alors il lui a dit, alors nous allons t'assassiner. Il lui a dit, fais ce que bon te semble. Il a ordonné à ses gardes de l'attacher. Et ils lui ont jeté des flèches. Ils lui ont jeté des flèches à sa droite et à sa gauche pour l'effrayer. Mais il est resté ferme. Il est resté ferme. Par la suite, ils ont porté à ébullition une marmite immense. Et il y avait des os qui bougeaient dedans pour l'effrayer. Ils lui ont dit, soit tu sors de la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soit tu seras jeté dedans. Alors il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer, ils ont pensé qu'il allait faiblir. Mais il s'est montré encore plus ferme par la suite. Pour éclaircir à la fin de l'histoire, le roi lui a dit, embrasse-moi la tête et je te libère. Il lui a dit, tu me libéreras moi ainsi que l'ensemble des captifs parmi les musulmans. Il lui a dit, toi et l'ensemble des captifs parmi les musulmans. Alors Abdullah ibn Hudhafa lui embrasser la tête. Et le roi l'a libéré lui ainsi que l'ensemble des musulmans. Lorsqu'ils sont rentrés à Médine durant le temps de Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il lui a raconté l'histoire. Alors Omar ibn Khattab a dit, c'est un droit qui incombe à chaque musulman d'embrasser la tête de Abdullah ibn Hudhafa radiallahu anhu. Et pour finir, l'histoire d'un des pieux prédécesseurs du 4e siècle, qui est surnommé Ibn Nawulsi, rahimahullahu ta'ala, il a été fait prisonnier à Dimashq. Ils l'ont mis dans une cage et l'ont contraint à sortir de l'islam véritable. Banu Ubayd al-Rafidah l'ont attrapé, l'ont contraint à sortir de l'islam. Il a refusé. Alors ils l'ont envoyé à leur chef en Égypte. Puis il lui a dit, c'est toi qui prétends que si une personne avait 10 flèches, elle devrait en jeter 9 sur les Romains et une sur nous. Il a dit, non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que si une personne avait 10 flèches, elle devrait en jeter 9 sur vous et la 10e également. Parce que vous avez dénaturé l'islam. Et vous avez altéré la pureté de l'islam. Alors ils l'ont attaché. Ils l'ont battu et torturé. Puis ils ont amené une personne non musulmane. Et ils lui ont dit de lui enlever la peau. Alors qu'il est vivant, de le torturer en lui retirant la peau. Alors qu'il est vivant. Alors ils ont commencé du haut de sa tête. Radiallahu anhu. Et ils ont commencé à lui enlever la peau pour qu'il sorte de l'islam. Et lui, il mentionnait des versets du Coran. Et lui, il se rappelait que les décrets d'Allah Azza wa Jalla est inéluctable. Et il disait, tout cela est consigné, tout cela est décrété, tout cela Allah l'a voulu. Par la suite, celui qui a enlevé la peau a eu pitié de lui. Et il l'a poignardé en plein cœur afin qu'il décède. C'est ainsi qu'étaient ceux qui nous ont précédés dans l'épreuve. Les compagnons sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ont dit, ne vas-tu pas invoquer pour nous? Ne vois-tu pas ce que nous font Quraysh? Le prophète alayhi salatu wa sallam a juré par Allah qu'Allah allait propager cette religion. Cette religion à l'époque n'était qu'à la Mecque. Et voici qu'elle s'est propagée partout. Et ils veulent éteindre la lumière de l'islam, mais personne ne le pourra. Ainsi, le musulman ne doit pas céder à la panique, à la tentation autre. Mais il doit savoir qu'il est sur la vérité. Il doit se cramponner à la vérité et ne chercher l'aide que d'Allah Azza wa Jal. Dans cela, en se cramponnant à sa religion. Wallahu a'lam. Wa sallillahumma wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. وقنا عذاب النار اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين اللهم اشف مرضانا ارض المسلمين اللهم اشف مرضانا ارض المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك